Pedro Páramo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. De Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Diacouli. Que faites-vous ici? Je suis venu voir mon père. Pourquoi n'entrez-vous pas? Êtes-vous des morts? Regardez mon visage. Vous ne le voyez pas, le péché. Mais qui pourrait bien vous voir puisqu'il n'y a personne ici? J'ai parcouru tout le village et je n'ai vu personne. Si vous voyez la foule d'âmes qui vagabondent dans les rues, elles sortent à la tombée de la nuit. Personne n'aime les voir. Il y en a tellement. Et nous sommes si peu que nous avons renoncé à prier pour les délivrer de leur peine. Damiana, prie pour moi, Damiana. Oui, ce village est plein d'échos. Ils ne me font plus peur. Damiana, êtes-vous vivante? Dites-le-moi, Damiana. Damiana! Damiana Cisneros! Comment fait-on pour partir d'ici? Où voulez-vous aller? N'importe où. Demain, je vous montrerai le chemin. Cinquième épisode. À travers le toit ouvert sur le ciel, j'ai vu passer des vols de vachers. Ces oiseaux qui s'envolent le soir avant que l'obscurité ne leur barre la route. Puis quelques nuages effilochés par le vent, venus chasser les dernières lueurs du jour. Ensuite, s'est levée l'étoile du soir, et plus tard, la lune. L'homme et la femme n'étaient pas avec moi. Sortis par la porte qui ouvrait sur la cour, ils ne sont revenus qu'à la nuit tombée. Aussi n'ont-ils pas su ce qui s'était produit pendant leur absence. Il s'était produit la chose suivante. Venue de la rue, une femme était entrée dans la pièce. C'était une vieille dame, courbée par les ans, aussi maigre que si on lui avait boucané le cuir. Elle est entrée et a promené ses yeux ronds sur la pièce. Il se peut qu'elle m'ait vue. Il se peut qu'elle ait cru que je dormais. Elle est allée tout droit vers le lit, a tiré de dessous une malle dans laquelle elle a fouillé. Puis, elle a glissé des draps sous son bras et elle est partie sur la pointe des pieds pour ne pas me réveiller. Je me suis bien gardé de bouger. J'ai retenu mon souffle et dirigé mon regard ailleurs. Enfin, en me tordant le cou, j'ai réussi à voir tout là-bas l'étoile du soir qui avait rejoint la lune. Buvez ça. Buvez, ça vous fera du bien. C'est de l'eau de fleur d'oranger. Je sais que vous avez peur, je vous vois trembler. Avec ça, la peur va passer. Vous vous sentez mal? Je ne sais pas. J'aperçois des choses et des gens. Là où vous ne semblez rien remarquer. Il y avait une dame ici, à l'instant. Vous avez dû la voir sortir? Viens, laissons-le seul. Ça doit être un illuminé. On devrait le coucher dans le lit. Regarde comme il tremble. Il a sans doute de la fièvre. T'en fais pas. Ces gens-là se mettent dans cet état pour se faire remarquer. J'en ai connu un, à la Media Luna, qui se disait devin. Ce qu'il n'avait pas prédit, c'est qu'il mourrait quand le patron découvrirait sa supercherie. Ce doit être un de ces illuminés. Ils passent leur vie à courir les villages dans l'attente de ce que la Providence voudra bien leur donner. Mais ici, il ne trouvera personne pour le faire manger à sa faim. Tu vois qu'il a cessé de trembler. C'est qu'il nous entend. As-tu déjà entendu la plainte d'un mort? Comme si le temps s'était écoulé à rebours, j'ai revu l'étoile près de la lune, les nuages qui s'effilochaient, les vols de vachers, et aussitôt après la fin de l'après-midi, encore comble de lumière. Les murs réfléchissaient le soleil du soir, mes pas frappaient les pierres. Le bourriquier me disait... Allez trouver Donia Douvifes, si elle vit encore. Venait ensuite une pièce sombre. Une femme ronflait à mes côtés. je remarquais que son souffle était inégal, comme si elle était dans un demi-sommeil, ou plutôt comme si elle ne dormait pas, mais faisait semblant. Le lit était de bambou, couvert de sacs qui sentaient l'urine et qu'on n'avait jamais dû sortir au soleil. L'oreiller était fait d'une toile grossière, enveloppant soit du capoc, soit une laine si rêche ou si imprégnée de sueur qu'elle était devenue dure comme du bois. Contre mes genoux, je sentais les jambes nues de la femme et contre mon visage son souffle. Je me suis assis sur le lit en m'adossant au paquet de briques qu'était l'oreiller. Vous ne dormez pas? Je n'ai pas sommeil. J'ai dormi toute la journée. Où est votre frère? Parti quelque part par là. Vous avez entendu où il devait aller. Peut-être ne rentrera-t-il pas de la nuit. Alors c'est vrai, il est parti. Malgré vous. Oui. Et il ne reviendra peut-être pas. Tous les hommes ici s'y sont pris comme ça. Je vais aller faire un tour de ce côté-ci, pousser un peu plus loin par là-bas. Et ils ont fini par s'éloigner tellement qu'ils ont jugé préférable de ne pas revenir. Il a toujours essayé de s'en aller. Et je crois que son tour est maintenant venu. Peut-être sans que je le sache, m'a-t-il laissé avec vous pour que vous preniez soin de moi. Il a profité de l'occasion. Ce veau enfui n'a été qu'un prétexte. Vous verrez qu'il ne reviendra pas. Au lieu de lui dire, comme je le voulais, « Je sors prendre un peu l'air, j'ai mal au cœur », je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, il va revenir. » « Je vous ai laissé quelque chose sur le feu à la cuisine. C'est bien peu, mais ça pourra toujours calmer la faim d'un homme. » J'ai trouvé un morceau de viande séchée et quelques tortillas sur les braises. « C'est tout ce que j'ai pu obtenir pour vous. Ma sœur me l'a échangé contre deux draps propres qui me venaient de ma mère. Elle a dû venir les chercher. » Je n'ai pas voulu le dire devant Donis, mais c'est elle la femme que vous avez vue et qui vous a fait peur. Un ciel noir, plein d'étoiles. Et près de la lune, l'étoile la plus grande de toutes. Tu ne m'entends pas? Où es-tu? Là, dans ton village, avec les tiens. Tu ne me vois pas? Non, mon enfant, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je suis retourné sous la moitié de toi où cette femme couchait. Je vais rester là dans mon coin. Tout compte fait, le lit est aussi dur que le sol. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Donis ne reviendra pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Il attendait que quelqu'un arrive pour s'en aller. Maintenant, c'est toi qui vas prendre soin de moi. À moins que tu ne veuilles pas. Viens dormir ici, avec moi. Je suis bien là. Mieux vaut que tu montes sur le lit si tu ne veux pas être dévoré par les tiques. Alors, j'y suis allé. Je me suis couché près d'elle. Sur le coup de minuit, la chaleur m'a réveillé. La chaleur et la sueur. Le corps de cette femme, fait de terre, enveloppé de croûtes de terre, tombait en morceaux comme s'il se délitait en une mare de boue. J'avais l'impression de nager dans la sueur qui s'écoulait d'elle et de ne plus avoir assez d'air pour respirer. Alors je me suis levé. La femme dormait. De sa bouche montait un barbotement de bulles très semblable à un râle. Je suis allé dans la rue chercher un peu d'air. Mais la chaleur me poursuivait, ne me lâchait pas. C'est qu'il n'y avait pas d'air. Mais seulement la nuit, lourde et calme, toute chaude de la canicule d'août, il n'y avait pas d'air. J'ai dû boire celui qui sortait de ma bouche en l'arrêtant de mes mains avant qu'il ne s'échappe. Je le sentais aller et venir, de plus en plus imperceptible, jusqu'au moment où il est devenu si ténu qu'il m'a glissé entre les doigts à jamais. Je dis bien à jamais. Que descanse en paz. Amen. Amen. Esperé tenerlo todo. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? ¿Has oído alguna de un mundo que no nos ruega a Dios por mi hijo apreciado? Avoir vu des sortes de nuages écumeux tourbillonner au-dessus de ma tête, puis me tremper dans leur bouillonnement et me perdre dans leur sombre vapeur. C'est la dernière chose que j'ai vue. Tu veux me faire croire que c'est le manque d'air qui t'a tué, Juan Preciado? Je t'ai trouvé sur la place, très loin de la maison de Denis, qui était là, près de moi. Il me disait que tu faisais le mort. À nous deux, nous t'avons traîné dans l'ombre du portique, déjà bien raide, hein, tout noué, comme ceux qui meurent de peur. S'il n'y avait pas eu d'air pour respirer la nuit dont tu nous parles, nous n'aurions pas eu la force de te porter, et moins encore de t'enterrer. Et tu vois, nous t'avons pourtant enterré. Tu as raison, Doroteo. Tu as bien dit que tu t'appelles Doroteo. Oh, peu importe. Même si je m'appelle Dorotea, ça revient au même. Bien sûr, Dorotea. Ce sont les murmures qui m'ont tué. Là-bas, tu trouveras tout ce à quoi je tiens. L'endroit que j'aime, où les rêves m'ont creusé les flancs. Mon village, dressé en pleine campagne, plein d'arbres et de plantes, tel un coffret dans lequel on aurait serré ses souvenirs. Tu verras que l'on a envie d'y vivre pour l'éternité. L'aurore et le matin, le midi et la nuit sont toujours pareils, sans autre différence que celle que le vent apporte. Là, le vent change la couleur des choses, souffle sur la vie comme si elle n'était qu'un murmure, le simple murmure de la vie. Oui, Dorotea, ce sont les murmures qui m'ont tué. J'étais chargée de trop de peur. Elles s'étaient tellement entassées que je ne pouvais plus les supporter. Et quand j'ai été confrontée aux murmures, mes nerfs ont lâché. Je suis allée jusqu'à la place, tu as raison. Je croyais vraiment qu'il y avait foule, et c'est cette foule qui m'a emporté. Je ne me possédais plus vraiment, et je me rappelle y être arrivé en m'appuyant contre les murs, comme si je marchais sur les mains. On aurait dit que les murmures étaient distillés par les murs, filtrés à travers leurs fissures et leurs écorchures. Je les entendais. C'étaient des voix humaines, non pas claires, mais assourdies, qui semblaient me chuchoter quelque chose en passant, bourdonnait à mes oreilles. Je me suis écarté des murs et j'ai continué d'avancer au milieu de la rue. Mais je les entendais tout de même, devant ou derrière moi, comme si elles m'accompagnaient. Je n'avais pas chaud, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Au contraire, j'avais froid. Depuis que j'étais sorti de la maison de cette femme qui m'avait prêté son lit et que j'avais vu fondre dans sa sueur, comme je te l'ai dit, depuis lors, j'avais froid. Plus j'avançais, plus ce froid augmentait. Tant et si bien qu'il m'a donné la chair de poule. J'ai voulu retourner sur mes pas, en me disant que je pourrais peut-être, en repartant dans l'autre sens, retrouver la chaleur que je venais de perdre. Mais je me suis rendu compte, au bout de quelques pas, que le froid venait de moi, sortait de mon sang. Alors j'ai su que j'avais peur. J'ai entendu un grand tintamarre sur la place. Et j'ai cru que parmi les gens, ma peur se dissiperait. Voilà pourquoi vous m'avez trouvé là. Alors c'est vrai. Donis est revenu. Cette femme était sûre qu'elle ne le reverrait jamais. Il faisait jour quand nous t'avons trouvé. Lui venait de je ne sais où. Je ne le lui ai pas demandé. Bon. Je suis donc arrivé sur la place. Je me suis adossé à un pilier des portiques. J'ai vu qu'il n'y avait personne. Et pourtant, je continuais d'entendre ce brouhaha de foule un jour de marché. C'était une rumeur égale, sans rime ni raison. Pareille à celle que fait le vent la nuit dans les branches d'un arbre, quand on ne voit ni l'arbre ni les branches, mais qu'on entend leur murmure. C'était exactement ça. Et je n'ai pas fait un pas de plus. J'ai senti que ce bruissement ramassé comme un essaim s'approchait et tournait autour de moi. J'ai même pu distinguer quelques paroles, presque dépourvues de toute sonorité. J'ai entendu qu'on me disait « Prie pour nous ». Et mon âme a gelé. C'est pourquoi vous m'avez trouvé mort. Tu aurais mieux fait de rester chez toi. Qu'es-tu venu faire ici ? Je te l'ai dit en commençant. Je suis venu voir Pedro Páramo, qui serait mon père à ce qui paraît. C'est l'espoir qui m'a guidé. L'espoir ? Ça coûte cher. Moi, il m'a fait vivre plus longtemps que je n'aurais dû. C'est de cette manière que j'ai payé ma dette. Pour m'être trouvé un fils qui n'a été, pour ainsi dire, qu'un espoir de plus. Parce que je n'ai jamais eu de fils. Maintenant que je suis morte, j'ai eu largement le temps de réfléchir à tout ça et de comprendre de quoi il retournait. Dieu ne m'a même pas donné de nid ou l'abrité. Rien, sinon cette longue vie pénible que j'ai passée à trimballer ici et là mes yeux tristes qui ont toujours regardé de biais, comme s'ils essayaient de voir au travers des gens, soupçonnant l'un et l'autre de m'avoir caché mon enfant. Tout ça à cause d'un rêve maudit. J'en ai fait deux. L'un, je l'appelle le béni, et l'autre le maudit. C'est le premier qui m'a fait croire que j'avais eu un fils. Aussi longtemps que j'ai vécu, je n'en ai jamais douté parce que je l'ai senti dans mes bras, tout tendre, toute bouche, tous yeux et toute main. Pendant très longtemps, j'ai gardé dans mes doigts la sensation de ses paupières baissées et du battement de son cœur. Comment aurais-je pu ne pas me dire que c'était vrai? Je le portais avec moi partout où j'allais, enveloppé dans mon châle, et je l'ai brusquement perdu. Au ciel, on m'a dit qu'on s'était trompé avec moi, que l'on m'avait donné un cœur de mère, mais un sein quelconque. C'est là l'autre rêve que j'ai fait. Je suis arrivé au ciel, et je suis allé voir si je ne reconnaîtrais pas, parmi les anges, le visage de mon fils. Mais non, tous les visages étaient pareils, coulés dans le même moule. Alors, je me suis renseigné. Un saint s'est approché de moi et, sans me dire un mot, a plongé l'une de ses mains dans mon ventre comme s'il l'enfonçait dans un amas de cire. Quand il l'a ressorti, il m'a montré quelque chose de semblable à une coque de noix. Voilà la preuve de ce qu'il fallait te démontrer. Tu sais qu'ils ont une drôle de façon de parler là-haut. Mais on les comprend. J'ai voulu leur dire que ce n'était que mon estomac rétréci par la faim et la maigre chair, mais un autre sein m'a poussé par les épaules et m'a montré la porte de sortie en me disant « Va te reposer encore un peu sur terre, ma fille, et essaye d'être bonne pour que ton séjour au purgatoire soit moins long. » Voilà. Voilà ce qu'a été le rêve maudit que j'ai fait et dont j'ai tiré la conclusion que je n'avais jamais eu de fils. Je l'ai appris très tard. Quand mon corps s'était déjà tassé, que mon échine était si courbée qu'elle dépassait ma tête et que je ne pouvais plus marcher. Pour couronner le tout, le village a été abandonné. Tous sont partis pour suivre d'autres voies et avec eux s'en est allée la charité dont je vivais. Je me suis assise pour attendre la mort. Mais depuis que nous t'avons trouvé, mes os ont enfin consenti à trouver le repos. Personne ne fera attention à moi, me suis-je dit. Je suis une chose qui ne dérange personne. Tu vois, je ne lui ai même pas pris de place à la terre. On m'a enterré dans ta tombe et je suis très bien tombé entre tes bras. Là, dans ce coin où tu me tiens à présent. Sauf j'y pense que c'est moi qui devrais t'enlacer. Tu entends? Il pleut dehors. Tu ne sens pas le tambourinement de la pluie? J'ai l'impression que quelqu'un nous marche dessus. N'aie plus peur. Tu n'as plus rien à craindre. Essaye de penser à des choses agréables, parce que nous allons rester ensevelis très longtemps. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov, d'après la traduction de Gabriel Yacouli. Cinquième épisode. Avec Éric Charon, Juan Preciado, Emmanuel Riva, Dolores, Liliane Rovert, Dorothea, Didier Sauvegrain, Donis, Agnès Sourdillon, la sœur de Donis. Et les voix de Myriam Ajar, Aline Alba, Sylvie Amato, Elsa Bouchin, Christine Braconnier, Andrea Brusque, Anne Carr, Paola Cordova, Isabelle Fruchard, Thierry Gary, Anna Amélie Heinz, Daniel Lopez, Sofia Lopez, Odile Lauria, Marie-Anne Mestre, Seguir Mohamedi, Giovanni Ortega, Cédric Rovolon, Emiliano Suarez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissante. Musique originale, Lion Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Arnaud Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egorov. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.